Que les tourments se délassent. Un jour il n'y a plus de place. Se détourner ou encourager la mort. Ne se soucier que des bénéfices. Mettre en avant le vice. Écrire, écrire toujours à des femmes. Deux qui me persuade d'en finir. Oh, quel est donc ce doux visage qui me persuade d'en finir. Je n'ai que toi.